Quand il pleut, l'aquaplanage peut se produire. Si les pneus sont usés, oui, réponse A. Non, réponse B. Si la vitesse est trop élevée, oui, réponse C. Non, réponse D.